jusqu'à ce que le ciel s'allume. J'y retournerai jusqu'à ce que le soleil s'éteigne. Ah, mon cœur saigne quand ta fleur saigne. Ouh, ma chérie, ta fleur. Il n'y a que de joie qu'elle pleure. Je sais qu'elle pourrait m'être létale, mais ça m'est égal, je mettrai la vie dans ses pétales. Ouh, ma chérie, ta fleur d'amour. C'est tout ce que mon cœur savoure.